J'arrive plus à chanter ça. Il est bizarre là. Putain. Il est pas en tempo. Putain. J'arrive. Ah, je vois plus la truc. Merde. Thank you. C'est qui sait faire le petit truc, le petit riff là? You know.